Beh, allora ci ora metterà un video sui dessi. Mentre ne parla, parla. Mentre non perché la posso con voi, se fa. Fuori che sono calmo in posto, qua che... Parce que ceux qui sont morts, parce qu'il y a des Marocains, il y a des Arabes qui sont très chics, il y en a beaucoup, et de là ils manquent du travail. Et eux là-bas, dans leur pays, ils sont pas heureux. Bon, d'accord, on cherche ailleurs, c'est normal, c'est comme vous aussi. Demain, ça nous arrive, on va taper en Italie, on ira taper en Amérique, on ira taper là-bas en Angleterre ou ailleurs pour manger, c'est logique. Mais quand je vois de mes saintetés qui cassent pour le pendant ou des jeunes que. C'est là qu'il faudrait un peu calmer quand même. Hein, ouais. Hein, après, à être de dire qu'il faut tout faire partir. Non. Gardons ce qui est bon. Mm-hmm. Si on les fait travailler, il faut les payer. Non pas les prendre pour esclaves, justement. Faire qu'elles travaillent à son salaire. C'est ce qui s'est passé un petit peu là-bas. Voilà, peut-être que là-bas, justement, ils se sont par une poignée, ils ont dit, oh, mais il y a la marre de crever de manger des figues, les autres, ils mangent le couscous. Ben, je me mets à leur place. Hein. Ça s'est envenimé, ça s'est agrandi.